et si nous lisions un livre de Nietzsche ? On peut penser que chaque grand livre de philosophie est une réflexion sur l'être humain, que tous les livres de philosophie pourraient s'intituler, comme le premier grand livre du philosophe écossais David Hume, un traité de la nature humaine, un traité de la nature humaine qu'il faudra lire et relire d'ailleurs, d'un des plus jeunes grands philosophes du XVIIIe siècle. Mais il est rare d'entendre dans le titre d'un grand livre de philosophie un livre faussement facile à lire et dont il faut se donner des règles de lecture, quelque chose comme une exclamation, quelque chose comme un cri à plusieurs sens qui déjà doit nous donner à réfléchir. C'est le cas du titre d'un des livres les plus célèbres de Friedrich Nietzsche, paru en 1878 et intitulé « Humain ». Trop humain. On a un double sentiment à entendre ce titre lui-même. Est-ce que c'est une exclamation humaniste, quelqu'un qui regrette les défauts de l'humanité, mais, comme le disait Rousseau à propos du célèbre misanthrope de Molière, cet homme qui détestait l'humanité, eh bien Rousseau disait de lui qu'il détestait l'humanité par amour de l'humanité, par déception. Humain, trop humain, pauvres humains, vous qui perpétrez le mal sans le savoir, vous qui n'êtes que des êtres humains. Et on explique, on excuse, on compatit et finalement on souffre avec l'humanité que l'on critique elle-même. Est-ce que c'est cela chez Nietzsche lui-même ou bien au contraire un cri d'horreur pour dépasser l'humanité, ce que Nietzsche lui-même pense que ses lecteurs voudront dire. Il s'adresse à ses lecteurs, à la surprise que ses livres ont provoquée chez ses lecteurs dans le premier paragraphe de ce livre, Humain, trop humain. On m'a assez souvent et toujours avec une profonde surprise déclaré qu'il y avait quelque chose de commun et de caractéristique dans tous mes ouvrages, et c'est, je cite un peu, une provocation latente au renversement, célèbre renversement nietzschéen des valeurs, de toutes les estimations habituelles et de toutes les habitudes estimées. Quoi ? Tout ne serait qu'humain ? Trop humain ? C'est-à-dire aussi contingent, lié à des constitutions provisoires et fragiles de l'humanité. C'est avec ce soupir, dit Nietzsche, qu'on sortait, dit-on, de mes ouvrages, non sans une sorte d'horreur et de méfiance même à l'égard de la morale. L'ironie de Nietzsche, c'est que d'une certaine manière, ses critiques ont raison. Bien sûr, quand il dit humain, trop humain, c'est parce qu'il lance une sorte d'enquête sur l'humanité qui vise en un certain sens à la dépasser avec les risques que comporte son idée de surhomme ou de surhumain et que, bien sûr, il va falloir décider, est-ce qu'il est un humaniste déçu par l'humanité ou quelqu'un qui veut la dépasser. En réalité, il faut lire le livre pour le savoir. Le lire, malgré sa forme d'aphorisme, sa forme d'exclamation, sa forme d'écriture littéraire, le lire comme un livre systématique, un livre qui propose une explication biologique de l'histoire de l'être humain, de l'histoire de l'être humain comme espèce avec une psychologie liée à l'évolution des vivants, un livre qui enregistre la secousse du vivant pour penser l'humain, un livre qu'une fois compris de manière théorique et systématique, on pourra discuter. Nietzsche a sans doute raison d'enraciner, y compris la morale humaine, dans la vie. A-t-il raison pour autant de croire que les oppositions de valeurs, que le refus de certains actes, que les uns appelleront ensuite le mal et leur désir de certains autres, que nous appelons irrésistiblement le bien, est pour autant périmé, qu'il faut, en raison de la généalogie biologique de la morale et de l'humain, renoncer au bien et au mal. C'est le défi de Nietzsche, ce défi, aujourd'hui, il faut le relever, mais avant de le critiquer, il faut le lire.